quand j'aurai 40 ans, si on me laisse le temps, je... Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 25 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux crépins, ça vient du latin crépus. Crépin est un être tendre, amical, appréciant la compagnie, émotif et sensible, d'apparence flegmatique, correspondant assez bien au tempérament lymphatique. La vie semble être pour lui un long fleuve tranquille, car crépin assez lent n'est ni vraiment dynamique, ni vraiment entreprenant, ni vraiment volontaire et préfère remettre au lendemain ce que peut faire le jour même. Assez dépendant de son environnement, il est sensible aux ambiances et peut passer de l'indolence ou de la paresse à une suractivité lorsqu'il se sent stimulé amicalement ou affectivement. Sa nature est cyclotimique. Tout dépend chez lui de la motivation. Aussi fera-t-il alterner des périodes de vie au ralenti et d'autres plus agitées, saisies par une brusque impulsion qui peut d'ailleurs très vite se relâcher. Car il a une fâcheuse tendance à vivre plus dans ses rêves que dans la réalité. Ses atouts sont son charme, sa gentillesse, sa serviabilité et son esprit de camaraderie. Sa finesse psychologique, doublée d'intuition ainsi que son savoir-faire certain, pallient en quelque sorte sa paresse. Emprunter une route sociale et souvent humanitaire le motivera et lui permettra de vivre son maître nombre 11. Il s'épanouira particulièrement en réalisant ses rêves, ce qui lui procurera une certaine force et l'aidera à passer de l'immaturité, du besoin de prise en charge, à la prise de responsabilité propre à la maturité. Dicton du jour, à la Saint-Crépin, les mouches voient leur fin. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale des pâtes alimentaires et au Kazakhstan c'est le jour de la République. Ça s'est passé un 25 octobre, en 1722 c'était le sacre de Louis XV, en 1946 c'était la création du Centre National de la Cinématographie en France et en 1980 c'était l'adoption de la Convention de La Haye. On marque tout de suite une première pause musicale avec le groupe Scorpion et leur titre Send Me an Angel. Thank you. Send Me an Angel, le groupe Scorpion sur RGM, un peu plus de 8h37. On fait maintenant un point sur tous ceux qui sont nés un 25 octobre 1928. Naissance de Marion Ross, actrice américaine, vue dans la série Happy Days dans les années 70, hein, dans le rôle de Marion Cunningham, vue également dans Brothers and Sisters dans le rôle de Ida Holden. 1955, naissance de Matthias Jabs, musicien allemand, guitariste du groupe Scorpion. 1957, naissance de Nancy Cartwright, actrice américaine de doublage, connue pour être la voix de Bart Simpson dans la série Les Simpsons. 1961, naissance de Chad Smith, musicien américain, batteur du groupe Red Hot Chili Peppers. 1964, naissance de Michael Botman, acteur américain, vu dans la série Spin City dans le rôle de Carter Haywood, Grey's Anatomy, Esprit Criminel, Gossip Girl dans le rôle de Russell Thorpe ou encore The Good Wife dans le rôle de Julius Kane. C'est également l'année de naissance de Nathalie Simon, ancienne véliplanchiste française, devenue animatrice télé et radio. Et à noter qu'elle a été championne de France de planche à voile en 1986. 1965, naissance de Mathieu Amalric, acteur français, vu dans Comment je me suis disputé, dans le rôle de Paul Dédalus, récompensé par le César du meilleur espoir masculin. Vu également dans Roi et Reine, dans le rôle d'Ismaël Villard, récompensé par le César du meilleur acteur, Munich de Steven Spielberg dans le rôle de Louis, dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola, vu également dans Le Scaphandre et Le Papillon dans le rôle de Jean-Dominique Bobby, récompensé par le César du meilleur acteur, vu également dans Actrice, Un secret, Quantum of Solace dans le rôle de Dominique Green, L'ennemi public numéro 1 dans le rôle de François Bess, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, Les fantômes d'Ismaël, Le Grand Bain, actuellement au cinéma où il interprète le rôle de Bertrand, et il sera dans la saison 4 de la série télé Le Bureau des Légendes. 1970, naissance d'Adam Goldberg, acteur américain, vu dans Il faut sauver le soldat Ryan dans le rôle de Stanley Milish, un homme d'exception, Comment se faire larguer en 10 leçons dans le rôle de Tony, dans Déjà vu dans le rôle de Denis, à la télé dans Medium, Entourage, Fargo dans le rôle de Monsieur Numbers, ou encore la saison 2 de Taken dans le rôle d'Arden Kilroy. 1979, naissance de Mariana Claveno, actrice américaine connue pour son rôle de Lorena Krasinski dans la série True Blood et celui de Perry Westmore dans Devious Maids. 1980, naissance de Laurie Choleva, animatrice télé française. 1983, naissance de Nawel Madani, humoriste, actrice, productrice belge, révélée en 2012 grâce au Jamel Comedy Club, vu dans Alibi.com dans le rôle de Cynthia Bellini. En 2017, à l'affiche du film C'est tout pour moi, dans le rôle de Lila, où elle est également réalisatrice de ce film. 1984, naissance de Katy Perry, chanteuse américaine, et vue également dans des séries télé comme Les Feux de l'amour, encore How I Met Your Mother. 1985, naissance de Ciara, chanteuse américaine connue pour son titre Like a Boy, dont on écoute tout de suite un extrait. 2007, ladies, I think it's time to switch roles. a trash, just like I'm getting your cash like I'm fast, like I'm girl, you wanna act like it is. Security codes on everything, on vibrate, sleep, phone, don't ever ring. Join the count, and another one he don't know about. Wish we could switch up the roles, and I could be there. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be at? Cause I'm out, 4 in the morning, on a corner roll, I'm doing my own. Could switch up the roles, not the beat. Go ahead, beat, just like go run the street, just like a. Voilà pour l'extrait de Ciara. On continue. 1995, naissance de Conchita Campbell, actrice canadienne, connue pour son rôle de Maya Rutledge dans la série télé Les 4400 et vue également dans la série Supernatural. En 1992, décédé Roger Miller, chanteur américain. Et on écoute tout de suite un extrait de l'un de ses titres, c'est King of the Road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Voilà pour l'extrait de Roger Miller. Et à noter qu'en 2002, on apprenait le décès de Richard Harris, acteur irlandais, vu dans Les Oies Sauvages, Gladiator, dans le rôle de Marc Aurel. Mais on le connaissait surtout pour son rôle d'Albus Dumbledore dans Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Allez, nouvelle pause musicale avec les Red Hot Chili Peppers et leur titre Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Not far away, it's Californication. destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barry, while to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Red Hot Chili Peppers sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Alors actuellement, il y a du brouillard et pas mal de nuages. Il se peut qu'on ait même quelques gouttes de pluie pour ce matin, mais ça va vite se dissiper hein, pour normalement laisser venir les éclaircies avec le soleil. Donc, des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, entre 14 et 16 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi, soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 11 et 13 degrés pour demain après-midi. Et alors pour samedi, on passe la journée sous la pluie et des températures fraîches. Elles seront comprises entre 4 et 5 degrés le matin et entre 6 et 7 degrés prévus pour samedi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, la Ligue des Champions, Monaco a fait match nul à Bruges, un but partout. Et le PSG a fait match nul face à Naples, deux buts partout. Tottenham a fait match nul, deux buts partout face au PSV Eindhoven. A noter que Lloris a été expulsé pour sortie dangereuse. L'Atlético Madrid s'est incliné 4-0 à Dortmund et le FC Barcelone s'est imposé 2-0 face à l'Inter de Milan. Ce soir, en Europa League, Bordeaux se déplace au Zénith Saint-Pétersbourg, Marseille reçoit la Lazio Rome et Rennes reçoit le Dynamo Kiev. Un mot de basket avec cette nuit les matchs de NBA, c'était pas fameux hein, pour nos tricolores. Seul Rudy Gobert s'est imposé avec son équipe de l'Utah Jazz 100-89 face à Houston, 12 points pour le Français. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est inclinée face aux Chicago Bulls 112-110, 13 points pour Batum et 10 pour Tony Parker. L'équipe de New York de Tilikina à 9 points s'est inclinée face à Miami 110-87 et l'équipe de Washington privée de Miami blessée au dos s'est inclinée face aux Golden State Warriors 144-122. Un mot de hockey sur glace maintenant avec les derniers matchs de Coupe de France. Gap s'est qualifié 7-4 à Morzine. Montpellier s'est imposé 4-1 à Toulouse. Lyon s'est imposé 2-1 sur la patinoire de Grenoble. Décidément, après l'élimination de Rouen, eh bien c'est Grenoble, hein, deux grosses équipes hein, qu'on attendait un petit peu plus loin dans la compétition. Amiens s'est imposé sans difficulté, hein, 18-1 face au club de Détroit d'Anières. Et enfin, Chamonix s'est qualifié 9-6 à Chambéry. Et du côté de chez nous, hein, on le rappelle, samedi à la patinoire de Poissompré, gros match qui attend l'équipe des finale avec la réception du Luxembourg. Un mot de tennis maintenant avec tout d'abord le tournoi de Vienne et la qualification de Gaël Monfils en 3-7 face à Johnson 4-6, 6-3, 6-2. L'élimination de Lucas Pouille en 3-7 face à Coric 4-6, 6-0, 6-4. Gaël Monfils affrontera aujourd'hui Isner à Bâle. Les éliminations de Jérémy Chardy en 2-7 face à Tsitsipas 6-2, 7-5 et de Manarino en 3-7 face à Lajovic 6-7, 6-1, 6-2. Aujourd'hui, aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Gulbis. Et à Singapour, au WTA Finals, Kerber s'est imposé en 3-7 face à Osaka, 6-4, 5-7, 6-4. Et Stephens s'est imposé en 3-7 face à Bertens, 7-6, 2-6, 6-3. Aujourd'hui, Kvitova affrontera Pliskova et Wozniacki se reposer à Svitolina. Et on va parler du Paris Masters qui aura lieu donc la semaine prochaine. Trois Français ont obtenu une wildcard. Il s'agit de Joe Wilfried Tsonga, Hugo Humbert et de Pierre-Hugues Herbert. A noter qu'aujourd'hui sera dévoilé le parcours du Tour de France 2019 avec eh bien, une grande partie dans l'Est de la France. On parle de Nancy, de Saint-Dié, de Mulhouse. Donc voilà, je pense qu'on va être gâtés pour le Tour de France 2019. On reste dans le deux roues et on va parler cyclocross. Steve Chenel est sélectionné pour les championnats d'Europe qui auront lieu le 4 novembre prochain. Félicitations à lui. Et on termine l'actualité sportive avec ce week-end de la Formule 1 et le Grand Prix du Mexique. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Katy Perry et son titre Raw. My breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Katy Perry sur RGM, un peu plus de 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de La Chronique de Michel. 14h, Clip Clap, on tourne avec Tanguy. 15h, À l'écoute des jeunes avec Cassandra. 16h, ce sera Gilou avec Les Années Bonheur. 18h, L'heure des loups avec Lou. Et 20h, ce sera Jukebox. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, notez bien, on se retrouve le lundi 5 novembre. Notez bien, 5 novembre, le lundi à 8h30, hein, comme vous en avez pris l'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.